Ladies and gentlemen, dans ma tête c'est un truc de fou, à pousser fond, toi au moins 12. Des mélodies m'appellent et des voix me poussent à écrire en douce. Je les entends tout donc, imaginez-vous le bordel. Pareil pour mon flow quand je débarque au mal, je ramène le cortège. J'ai des pas de pensée, des carences, des décalages. Par moment y'en a toujours un là pour plomber l'ambiance. Ma tête c'est un peu comme la terre, elle ne tourne pas rond. Ça pète dans tous les sens et chaque week-end c'est la fin du monde. Les lettres s'entrechoquent, dans mon crâne on écrit entre potes. Entre dans mon entre hip-hop, voilà l'entre qui s'étale. Comment mes faces se font du criss-cross. Moi-même je comprends pas toujours ce qui se passe. Comment je les supporte, tu sais. Je devrais parler à quelqu'un mais je ne sais pas où aller. Alors c'est casque, fake beat et CD pour tout étaler. Je t'avouerai que mes idées ne sont pas toujours nettes. Et que si je mets ma casquette c'est pour cacher ce qui se passe dans ma tête. Ce qui se passe dans ma tête. Dans ma tête, y'a des drôles de flash. Y'a un Maroc, bien sûr. Mais surtout, n'oublie pas R-E-S-C-H. Y'a pas trop de mise en page, tout se bouscule, c'est l'embouteillage. Moi qui espérais tant que tout s'arrange avec l'âge, il faut que je lâche prise. Mon encéphale est rempli de cases grises. Des tas de vis qui manquent, des tas de vis qui l'alimentent. Non, je te mens pas, fils. Mais je fais tout pour que les autres n'en pâtissent pas. Quand je me tape un batterie, moi je me casse, fils à casse. Ce n'est pas toi de subir le changement d'humeur. Surtout quand tu sais qu'il en défile parfois plusieurs en une heure. Alors je prends un beat, une feuille, le beat m'apaise, mon rap, mes textes. Ma matresse au fond de ma tête. Ouais, au fond de ma tête. C'est bof. Quoi? Hein? Moi non, pas de refrain. De toute façon, c'est toujours la même chose. Hein? Allô, tu restes là, couche à rien foutre. Et ton entend jamais. Si tu veux qu'on foute à la fin. Avec toi, en plus, ça te sera une histoire. Tu règles ton truc là. Vas-y, je t'ai déjà dit lâche truc là. Hein.